Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Le Grand Paris, une série documentaire de Nicolas Jox, réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a une ville qui grandit depuis des siècles. Et ce concept tout neuf de Grand Paris, brandi comme un programme, un rêve de mégapole, d'expansion urbaine, mais peut-être aussi d'utopie cauchemardesque. Mais surtout, il y a l'envie de savoir ce qui se cache derrière les mots. Des gares, des entreprises, des chantiers, mais surtout des visions politiques qu'il faut explorer et les besoins des habitants qu'il faudrait entendre. Et il y a cette histoire d'une cité née sur une île au milieu de la Seine, une ville gauloise conquise par les Romains et traversée par l'histoire. Des Vikings à la Commune, en passant par la prise de la Bastille et les cortèges royaux. Une ville et son métro, ses bus, ses RER, sa proche et sa lointaine banlieue, et nos vies ordinaires qui la traversent. Et bientôt, un métro du futur. Alors pour commencer, les personnages, des usagers, des passagères, des ingénieurs, des tunneliers, des promoteurs, des chefs de gare, des habitants, un sociologue critique, un géographe aux aguets et des entrepreneurs au coin du bois. Ensuite le décor, des palissades et des tunnels, des postes de contrôle, des aiguillages, des pannes, des promesses, des chantiers, des plans, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, des lignes automatisées et la rue du Bac. Aujourd'hui, troisième épisode, on monte dans le RER. Je le prends tous les jours, matin et soir. Et je fais également beaucoup de déplacements dans la journée, donc oui, je le prends assez souvent. Au minimum 2 heures par jour, parfois 3, parfois 4. Et quand il y a un incident, un aller peut passer de 1 heure à 2 heures. Ça m'est arrivé de mettre 2 heures pour aller dans l'ouest de Paris. Certaines heures de pointe, oui, effectivement, on peut ne pas pouvoir monter dans le train, tout simplement. On attend un train, un deuxième train. Parfois, il y a une demi-heure d'attente entre 2 trains. Donc, le retard est très conséquent, oui, pour quand on va travailler. Bah, ce sont des difficultés quasiment quotidiennes, hein, dues à des problèmes techniques, dues à des retards divers et variés, dues à des problèmes, des suicides, voilà. J'ai cru comprendre qu'il y avait un problème de vétusté, un problème de maintenance. Les conséquences, c'est surtout le stress généré par les retards. Le Grand Paris Express, un nouveau métro pour Paris. Quand on est stressé, on est moins disponible pour sa famille, pour les besoins de ses enfants. Se déplacer en région parisienne est devenu une épreuve pour des millions d'habitants. Saturation des transports en commun, paralysie du réseau autoroutier. La crise des mobilités s'explique par l'urbanisation massive de la métropole ces dernières décennies, sans que les infrastructures de transport collectif n'accompagnent cette expansion. Les bassins d'emploi sont de plus en plus éloignés des lieux de résidence. Le déséquilibre Est-Ouest a augmenté la distance entre le domicile et le travail pour des millions d'habitants de la première et la deuxième couronne. Face à cette mobilité en péril, l'État lance en 2009 le projet d'un nouveau métro, le Grand Paris Express. 200 km de voies, 68 gares, 4 nouvelles lignes en rocade autour de Paris. Ce gigantesque chantier a démarré, mais tiendra-t-il toutes ses promesses ? Nous débutons notre exploration au cœur de la capitale, dans les couloirs de la station Les Halles, sur la ligne B du RER. Comment ça fonctionne à l'UNB ? Très mal. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette ligne ? Ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'il y a. Ils nous disent problème technique alors qu'il n'y a pas de problème technique. Incident de personnes, ça ne veut rien dire du tout. Non, je pense que le problème vient au départ à Mitry où ils partent en retard et qu'après, voilà, le retard s'accumule. Il suffit qu'il y ait des petits marrons qui coincent les portes, que ça n'avance plus. Voilà, c'est tout. Ça enchaîné, hein. Tous les petits problèmes durant le trajet font que au bout d'un moment tout est bloqué. Et Oui, c'est une ligne qui est saturée. Allez, je vous invite à me suivre. On va monter au deuxième étage où se situe l'ensemble des forces opérationnelles de commandement de la ligne B. Près de la place d'Enfer Rochereau, au sud de Paris, le PC de la ligne B du RER, l'une des plus fréquentées d'Île-de-France. Dans cette grande salle en forme d'amphithéâtre, bardée d'écrans, une vingtaine de régulateurs organisent le trafic d'une ligne stratégique. Avec une 50 minutes d'avance, tu auras 358-900 qui va descendre, lui, avec une vingtaine de retard. La ligne B, elle est vraiment bien connue des Franciliens, et pas seulement que des Franciliens, parce que c'est une ligne qui a pour principale particularité de desservir des grands pôles d'attractivité, à commencer par les deux aéroports principaux de Paris, Charles de Gaulle et Orly. Denis Mazur, directeur de la ligne B du RER. Elle dessert bien sûr le centre de Paris avec des pôles extrêmement stratégiques que sont Châtelet-Les-Halles ou Gare du Nord. Et puis elle dessert des lieux particuliers comme le Stade de France, le parc des expositions de Villepinte. Donc c'est une ligne où on ne s'ennuie pas. Autre chose, 46085 pour l'instant, bah, écoute, tu peux le prendre supprimé. Hein. On dit qu'on est sur du mass transit, hein, c'est-à-dire vraiment de l'exploitation en zone dense. On a un train toutes les 3 minutes aux heures de pointe et notre signalisation nous laisse 30 secondes de marge, en gros, entre deux trains à jour. Ce qui fait que dès qu'on a un incident qui prend par exemple 2 minutes, c'est 4 trains qui peuvent être impactés en gros par tranche de 30 secondes. Et donc ça nécessite de surveiller comme le lait sur le feu l'organisation du mouvement des trains pendant les pointes, car le moindre incident nécessite des adaptations pour faire en sorte que les retards ne s'accumulent pas, car c'est cela que les voyageurs ne nous pardonnent pas. C'est vraiment ce qui se passe ici au CCI. À ce moment-là, tu le remets sur normal donc à Palais Villebon et tu vois si c'est de nouveau allumé. Je vous prie de croire que quand on a un incident, on sent une tension assez forte dans la salle parce que les communications doivent être précises, rapides, et on sait que 10 secondes de perdu peuvent parfois être les 10 secondes de trop. Puisqu'on peut rater un embranchement ou on peut avoir des voyageurs qui s'impatientent et qui déclenchent des signaux d'alarme. En raison d'un bagage abandonné par un voyageur. Oui, bonjour Epo 15, je reviens vers toi. À Massy, hein, s'il te plaît, on va faire un petit essai histoire de cerner la panne correctement. Voilà, vous avez actuellement un régulateur qui échange avec un conducteur ou avec un poste d'aiguillage. Je suis en position normale et puis tu me dis ce que ça donne, s'il te plaît. Pouvez-vous me dire un petit peu quelle est votre fonction dans le PC ? Alors moi je m'occupe de la régulation partie nord, donc du poste 8 jusqu'à Roissy et Mitry-Mory. Oui, bah justement j'ai bien reçu, donc oui je te demande de le reclasser en position normale. Quand c'est possible, je gère les incidents, la rétention des trains en gare. Service, parce que je pense que c'est lui qui est interdit. Donc restitution des travaux là à 12h28, hein, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien, super, je te remercie. Ouais, je te remercie et puis tu me diras ce que ça donne à Massy derrière. On constate une crise des transports collectifs en Île-de-France, et notamment de graves difficultés sur le réseau RER et Transilien. Marc Pellissier, président de l'Association des usagers des transports. Alors, en termes de nombre de trains par heure en heure de pointe, toutes les lignes sont au maximum de ce qu'elles peuvent faire en heure de pointe à peu près. Hein. Il y a évidemment des situations de saturation sur la ligne A du RER en premier, hein, la ligne la plus chargée d'Europe, elle en est à 1,2 million de voyageurs par jour. Mais la ligne B est en situation de saturation, la C à certains moments, la D aussi, et puis il y a des situations de surcharge également sur Saint-Lazare, sur le réseau Est. Donc oui, il y a vraiment un sujet de saturation prononcé. La saturation, ça se traduit par, premièrement, le fait qu'évidemment, on va certainement voyager debout, y compris pour des longs trajets, hein, alors que théoriquement, il y a une norme qui dit que on ne devrait pas voyager debout pour un trajet supérieur à une demi-heure. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus courant. Mais c'est pas seulement être debout, c'est être tassé. Et puis, au-delà de ça, ça veut dire qu'en cas d'incident, même de petit incident, eh bien, il est possible qu'on ne puisse plus monter dans le train et attendre le suivant ou encore celui d'après. Sur des lignes qui ont un matériel qui n'a pas été conçu pour ces flux, je pense par exemple au RERC ou RERD, où il y a peu de portes, et donc tous les gens s'agglutinent autour des portes. Effectivement, les montées-descentes sont très difficiles. Je dois aller chercher un enfant à la crèche, là, vous comprenez ? Décembre 1977. Bonsoir. Nous l'appelions jusqu'alors le RER, Réseau Express Régional. Valéry Giscard d'Estaing, qui l'a inauguré ce matin, préfère lui l'expression de métro de l'Île-de-France. Tout justifie en effet que loin de permettre dans les villes un usage immodéré de la voiture individuelle, nous donnions la priorité au transport collectif. Dans ce gigantesque chantier au cœur de Paris, la première réalisation souterraine s'achève avec l'ouverture de la station Châtelet-Les-Halles. Véritable plaque tournante du réseau express régional, cette station est la plus grande du monde. D'une superficie de 2 hectares, dont près de la moitié réservée aux seuls services techniques, cette station pourra accueillir jusqu'à 80 000 personnes. Vous l'avez pris longtemps, cette ligne ? 46 ans. Ah oui, oui, on l'a vu, la dégradation. C'est un peu logique, quand vous voyez tout ce monde, tous ces trains qui arrivent en même temps, comment voulez-vous que ça fonctionne convenablement ? C'est impossible. On a construit beaucoup autour de la ligne. Voilà, hein. Mais pas assez de transport. Pas assez de transport, et au bout d'un moment, ça engorge. Au niveau des lignes RER, les problèmes qu'on identifie, c'est d'abord l'infrastructure qui est très vieillissante. Il n'y a pas eu assez d'entretien pendant 30 ans, nous dit la SNCF. Et donc, il y a un plan qui a été lancé depuis l'accident de Brétigny pour remettre à niveau le réseau, mais ça va être très long, hein, puisqu'on nous dit qu'en 2025, on aura à peu près stoppé le vieillissement du réseau. Et puis, il y a des sujets de matériel roulant. Donc là, il y a eu des choses qui ont été engagées, mais il y a encore des lignes où il y a du matériel très ancien, avec des pannes de plus en plus fréquentes. Et puis, on a des lignes dont l'infrastructure est inadaptée au-delà de la vétusté pour revoir les installations. Et ce sont des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros qui ne sont pas encore lancés. Comment on en est arrivé là ? C'est-à-dire, vous expliquez qu'il n'y a pas eu une modernisation du réseau, mais il y a aussi une urbanisation galopante qui a fait que ces lignes sont devenues de plus en plus fréquentées, c'est ça ? Il y a eu un déficit de prospective en matière de transport et d'urbanisme. Peut-être parce que dans les années 90, la fréquentation des transports en commun avait tendance à baisser. Les pouvoirs publics se sont dit, il n'y a pas vraiment besoin d'investir. Et dans les années 2000, le trafic a fortement augmenté. La densification en proche couronne, mais également en grande couronne, s'est accentuée. Et puis aussi, un effet pervers de la localisation des emplois qui, dans l'Île-de-France, aujourd'hui, se focalise encore beaucoup sur l'ouest parisien, la Défense, ici les Moulineaux, etc. Et donc, on voit que beaucoup de Franciliens sont contraints à aller vers ces destinations-là, et le réseau, même s'il a été un peu renforcé, ne suit pas. Pendant plus de 20 ans, sinon 30 ans, après la construction urbanistique des années 60, les RER et un certain nombre de projections comme ça dans la métropole, des villes nouvelles, ça, on s'est gorgé d'illusions. Gilles Dansard, journaliste. Et pendant ce temps-là, les infrastructures de transport ne correspondaient plus aux flux et aux besoins de la population. Donc on s'est donné l'illusion, et là c'est l'ensemble des décideurs qui sont en cause, on s'est donné l'illusion qu'on allait repenser la métropole. Donc on a perdu beaucoup, beaucoup de temps en imaginant des choses, mais qui ne se concrétisaient pas sur le terrain. L'étalement urbain, pendant toute cette période, a continué de proliférer. Et on a construit, et on construit encore maintenant, des quartiers d'habitation et des zones d'intérêt économique dans des endroits qui ne sont pas desservis. Et donc, il n'y a pas eu de planification digne de ce nom pour que les choses se fassent un tant soit peu dans l'ordre. C'est-à-dire qu'au moment où on fait un nouveau quartier, on imagine la ligne qui va desservir. On a fait les choses dans le plus grand désordre et le réseau de transport n'a pas suivi. Et à un moment, on a subi la thrombose. L'augmentation continue de la population de la métropole et l'envolée des prix de l'immobilier dans Paris et sa proche banlieue repousse toujours plus loin les populations les plus modestes. Si la ville de Paris bénéficie d'une accessibilité au métro élevée grâce à un réseau dense intramuros, au-delà du périphérique, ce n'est plus le cas. En 2009, l'État réagit. Le projet du Grand Paris Express est lancé. Ce nouveau métro automatique déploie ses nouvelles lignes tout autour de Paris. À l'origine, le chantier est estimé à plus de 20 milliards d'euros. Partons des besoins. Il faut raccourcir les temps de trajet et créer à l'échelle de la métropole un système de transport aussi performant et aussi commode que celui de Paris intramuros. Le développement des grandes zones qui portent l'avenir économique du Grand Paris appelle un nouveau système. Transport automatique, rapide, grande capacité pour relier les grandes polarité urbaine de demain. Rêvons qu'il soit une vitrine mondiale de notre savoir-faire en matière de transport. Nouveau grand métro, vous êtes au courant, le Grand Paris Express. On voit les travaux par chez nous. On voit les travaux, parce que ça crée pas mal de travaux. Mais après, non. Il faut souhaiter que ce soit, fonctionnel rapidement et puis efficace. Ça puisse désengorger quand même les RER. On va dire que c'est la francilienne des transports en commun. Pour les banlieusards, les gens qui habitent en banlieue, ça va aider. J'espère que ça va desservir des banlieues qui ne sont pas accessibles. Par exemple, de chez nous, pour aller à Goussainville ou pour aller à Bobigny, il faut passer par Paris. Donc en chemin, c'est comme ça, mais en transport en commun, c'est comme ça. Donc j'espère que ça pourra permettre de desservir des banlieues entre elles et non pas sans avoir besoin de repasser par Paris. L'idée première du réseau du Grand Paris Express est née sur un constat. Il y a une crise des structures actuelles de transport en Île-de-France. Du fait d'un sous-investissement pendant 30 ans, le réseau des RER et de Transilien ne suffisait plus à absorber la croissance des déplacements, la croissance de la métropole francilienne, etc. Et du coup, a été imaginé un nouveau réseau pour relancer la mobilité. Les RER ont structuré la métropole parisienne suivant des radiales est-ouest, nord-sud. Et on s'est aperçu que pour éviter qu'il y ait toute cette concentration radiale vers Paris, que des gens qui veulent aller d'une banlieue à une autre soient obligés de passer par Paris, en souterrain ou pas, etc., qu'on construise enfin des rocades. C'est ça la première idée du Grand Paris Express. Et donc dans les tuyaux, depuis des années, il y avait des projets de rocades soutenus par des élus, soutenus par la RATP, etc., mais qui ne débouchaient pas. Et là, le Grand Paris Express est né de ce constat qu'on allait vers une crise majeure, qui pouvait d'ailleurs déboucher sur peut-être des colères fortes de voyageurs, voire sur des accidents, etc. Donc le point de départ, c'est ça. Il faut construire autre chose. Plus de 30 tunneliers seront nécessaires pour la réalisation complète du nouveau métro. Ils évolueront entre 15 et 55 mètres de profondeur à une fréquence moyenne de 10 à 12 mètres par jour. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle maintenant la ligne 15 Sud qui a été le point de départ de cette conception de rocade qui a fait à peu près l'unanimité. Il fallait concevoir cette rocade quasiment intégrale autour de Paris, un deuxième périphérique. Et après, comme les élus qui étaient un peu plus loin, plus éloignés de cette première rocade, se sont dit « mais pourquoi pas nous ? Parce que nous aussi on a des besoins, nous aussi on voudrait être davantage reliés à ce nouveau réseau qui est en train de prendre forme. On a élargi la conception du Grand Paris Express et on a imaginé la ligne 16, la ligne 17, la ligne 18. On a rajouté des lignes qui vont plus loin en grande couronne pour essayer de drainer ces populations qui sont très majoritairement aujourd'hui dépendantes de l'automobile individuelle. Et ce qui fait aujourd'hui le réseau global du Grand Paris Express. Pour avancer, le tunnelier s'appuie sur les anneaux déjà posés à l'aide de vérins hydrauliques. C'est la société du Grand Paris qui a été chargée par l'État de la conception et de la réalisation du nouveau métro. Le chantier du Grand Paris Express a débuté avec la ligne 15. Elle sera la première à entrer en service à l'horizon 2022. 90% des 200 km d'infrastructures du Grand Paris Express seront ainsi réalisés en souterrain. Dans la commune de Villejuif, au sud de Paris, les forages ont démarré. Il faut construire les gares avant que les tunneliers n'entrent en action. Là, vous avez le panneau là-bas, les armatures qui sont en train de plonger à 50 mètres. Et on va bétonner, c'est le premier panneau qu'on coule aujourd'hui. Donc le deuxième est en train de se forer et le troisième également. Et alors vous avez la ligne 14 qui arrivera par là-bas et la ligne 15, elle se chevauche. Les tunneliers ont prévu de se croiser donc courant 2019. Bien sûr, pas en même temps, hein, ça sera l'un après l'autre, parce qu'il y a des montages et démontages de tunneliers, c'est des ouvrages assez lourds. Sur les deux premiers anneaux de la gare, on a les deux premiers niveaux souterrains, on a à peu près 1400 m² de commerce et de services. Et à partir du moins 2, on a toutes les lignes de contrôle dans lesquelles on pourra prendre les escalators où il y a 12 ascenseurs qui diffusent l'ensemble de la ligne aux 4 points cardinaux. Et vous pourrez ainsi rejoindre soit la 14, soit la 15. C'est à peu près 100 000 m3 là, pour construire les locaux techniques. Ce sont des parois tirantées. C'est les locaux techniques de la gare. Donc c'est vraiment toute cette galette que vous voyez ici dans cette coupe. Et ensuite, on a les parois moulées circulaires qui vont être creusées sur 50 mètres. Et ensuite, on va excaver le puits à 50 mètres de profondeur. Le nouveau réseau offre des parcours différents pour aller d'une banlieue à une autre. Philippe Yvin, président de la Société du Grand Paris. Cette faculté est multipliée non seulement par la création des 68 gares, mais aussi par les interconnexions avec les réseaux existants, puisque 43 des 68 nouvelles gares vont être connectées à un réseau existant, soit les RER, soit les Transiliens de la SNCF, soit le métro historique. Et donc, y compris des habitants qui habitent loin du réseau lui-même, en grande couronne parisienne, mais aussi même dans les départements voisins de l'Île-de-France, qui viennent travailler tous les jours à Paris, vont trouver des points d'interconnexion au réseau et donc n'iront plus en fait au centre de Paris. Et ainsi, on va donc soulager les transports de la zone dense. On estime ainsi que les sections les plus chargées des RER A et B pourraient être soulagées d'entre 15 et 20% de voyageurs, ce qui est tout à fait considérable. Finalement, sur le chantier, il y a combien d'ouvriers qui travaillent actuellement ? À l'heure actuelle, nous sommes à environ une bonne cinquantaine de personnes. Le poste de travail, 6h, 22h. Et certaines activités spécifiques, comme du creusement traditionnel pour des tunnels, vont se faire en 3 postes. Pour tenir les délais et pour rentrer dans des logiques de production et de productivité par rapport à des activités qui doivent s'effectuer de manière continue. Les tunneliers sont en cours de fabrication et ils vont être montés sur la gare d'accueil Cachan et dans le puits Robespierre à Bagneux. Chaque tunnelier se compose de 4 parties. Le bouclier garantit la protection et l'étanchéité, la roue de coupe assure le forage du terrain, la jupe permet la pose de la paroi définitive du tunnel. Le groupement, c'est Vinci, puis Bottin, donc c'est ce qu'il appelle le groupement CAP. C'est le même qui réalise donc depuis la gare de Villejuif-Loire-Agon, si vous êtes passé devant. Oui. Jusqu'au tunnel de Fordissy-Vente-Clamart, mais la gare exclue. Donc il a les gares de Bagneux, de Arcueil-Cachan et de Châtillon-Montrouge. Un complexe logement. Oui, tout à fait. Ici, c'est un grand projet qui est mené par l'aménageur La Sadev. C'est le campus Grand Parc. Donc c'est un campus. Je pense qu'il y a un programme de réalisation de 415 000 m2. Dédié à la santé, bien sûr, mais il y a aussi du logement, des services et du tertiaire. Et dans le fort de la Redoute, ça fait partie d'un projet de Avanto la Métropole. Donc c'est le groupement, je pense, Legendre et l'architecte Anma, donc Michelin, qui a gagné. Et donc ils vont aménager aussi un pôle universitaire. Donc c'est vraiment un pôle santé-université qui sera aménagé autour de la gare du Grand Paris. Pardon ? Le coût du chantier, ça a été dit. Oui, j'ai dit 250 millions. Mais vous savez, un coût de chantier, c'est toujours... vous ajoutez la maîtrise d'œuvre, les bureaux de contrôle, vous rajoutez quoi ? Les diagnostics, les études, ça, c'est... C'est une indication. C'est une indication. Hein, c'est à prendre toujours avec des pincettes. Et puis en coût de référence de 2012, de 2030... Ce projet-là est vraiment fondamental en termes de récit qu'il donne à la métropole. Parce que finalement, Daniel Béard, géographe. C'est pas qu'un réseau de transport, c'est grâce à ce projet-là qu'on réussit à faire passer ce projet du Grand Paris, qui n'était pas une évidence. Parce que, encore une fois, quand on dit Grand Paris, je disais tout à l'heure, on s'inscrit dans l'histoire longue, mais on s'inscrit dans l'histoire longue de la résistance au Grand Paris. Et donc, du coup, l'appeler métro, c'est Paris et la banlieue, c'est la même chose. Il faut donner l'équivalent d'accessibilité, d'aménité urbaine aux banlieusards comme aux parisiens. Et c'est ça la force du métro, et avec sa figure hein, au double 8, traversant Paris et en même temps en rocade autour, c'est l'équivalence Paris-Banlieue. Donc on est vraiment dans le projet qui incarne le Grand Paris. Il se trouve voilà qu'on ne sait pas faire autrement, visiblement, pour faire du territoire commun. Donc la chose la plus simple en commun, c'est les transports. Toufik Swami, directeur de l'école d'urbanisme de Paris. On avait eu déjà des discussions, disons, mais pourquoi ce qui serait pas emblématique, ça serait par exemple, la création de l'emploi et la distribution de l'emploi dans ce territoire. C'est plus difficile, c'est pas concret, c'est plus vague. Et puis on ne maîtrise pas l'emploi, donc on le subit un peu. Et donc l'objet un peu emblématique et qui semble être maîtrisé par les élus, c'est les transports, on sait faire passer des transports. Et donc aujourd'hui, les gens se saisissent dans différents lieux, ils en entendent parler, ils voient concrètement... Concrètement, c'est dans les coulisses, mais il y a tout de même des chantiers. Hein. Dans 2 ans, dans 3 ans, il y a déjà de nouvelles stations de métro qui apparaissent. Donc les gens commencent à se préoccuper de ça, revendiquent dans certains cas la question du calendrier. Les gens se disent, mais non, nous, on s'attend à voir dans 3 ans, dans 5 ans, pourquoi on nous retarde notre métro là qui arrive. En fait, ce n'est pas un métro concret, c'est un système d'interconnexion. C'est-à-dire qu'on oublie toujours que les 3/4 des gares du Grand Paris Express sont des gares qui existent déjà. Et sont des gares d'interconnexion. Ce qu'elles vont gagner, c'est ça, c'est d'être en interconnexion. Quand on voit les modélisations que fait la RATP, elles montrent bien que qui va l'utiliser essentiellement, des gens de la deuxième couronne. Et comment ils vont l'utiliser? Comme disent les techniciens, ils vont l'utiliser en baïonnette. En baïonnette, ça veut dire que ils vont prendre un RER plus loin de la périphérie, de la grande couronne. Ils vont changer avec la ligne 15 en rocade, changer à nouveau et prendre un autre RER à nouveau vers l'extérieur. Et moi, je pense que les effets les plus importants vont être entre la première et la deuxième couronne. Et du coup, même en termes d'urbanisation, de densification, etc., on n'est pas assez attentif, à mon avis, à ce qui va pouvoir se passer dans la couronne des villes nouvelles. Parce que c'est là qu'on a le foncier disponible. Le Grand Paris, pour moi, c'est d'abord un territoire, le bassin de vie réel de ceux qui utilisent ce lieu, qui passent de Montreuil à Issy-les-Moulineaux, de Paris intramuros à Marne-la-Vallée, etc., qui le font fonctionner. À ce territoire de vie réelle est venu ce mot du Grand Paris, forme de projet. Et aujourd'hui, ce projet, qui est d'origine d'abord politique, il commence à se dessiner dans l'esprit des uns et des autres, au quotidien, ordinaire. Il se passe quelque chose. Il y a un périmètre plus large qui n'est pas fragmenté autour de, à l'échelle communale ou autre, ou d'usage que l'on peut avoir, et dans lequel on se projette. En revanche, la difficulté, c'est d'arriver à se projeter dans ce qu'on appelle métropole. C'est beaucoup plus compliqué qu'une ville classique. Probablement, on devra repasser par le récit. Dans ce récit, il y aura des images, indéniablement, parce que c'est des territoires plus difficiles à décrire pour raconter ce que va être ce territoire, le Grand Paris. Plusieurs récits qui seront certains convergents, d'autres divergents. Il y a une bataille sur le récit qui commence à s'amorcer, mais probablement il y aura des projections très diverses et inattendues. Il a fallu des siècles pour que Paris sorte de son île. Et jusqu'en 1800, Paris a grandi lentement, franchissant peu à peu ses enceintes successives. Puis, vers 1840, la capitale devient aussi ville industrielle et cité des affaires. C'est le moment où l'on découvre la folle vitesse des transports. Désormais, les travailleurs peuvent habiter la banlieue. La ville elle-même atteint ses limites actuelles. Nous sommes juste à côté, pourquoi pas nous parler, je ne vais pas vous manger, il n'y a aucun danger, un moment partagé, quelques mots échangés, un sourire bien poli, un bonjour, un merci. Dans les transports en commun, c'est chacun dans son coin, faut surtout pas se mélanger, malgré la proximité. Un bonjour, un merci, un sourire d'impoli, que fais-tu dans la vie, s'il vous plaît? Non merci, je dis tu, vous dites tout, ça me tue, je l'avoue, vous dites-vous que j'ai tué mon respect envers vous. Dans les transports en commun. Difficile d'anticiper tous les effets du futur métro. La densification de la première couronne pourra aussi s'accompagner d'une reprise de l'urbanisation aux marges de la métropole. Dès à présent, les promoteurs suivent de très près les valorisations foncières sur le tracé du Grand Paris Express. Autour des gares, des projets de quartier sont déjà une réalité. Mais pour que le nouveau métro fonctionne, un système de rabattement des passagers sur les nouvelles gares doit se mettre en place. L'intermodalité est essentielle au succès du Grand Paris Express. C'est le rôle des maires de favoriser le rabattement sur ces gares, parce que tout le monde ne peut pas habiter à côté de la gare. Marc Pélissier, président de l'Association des usagers des transports. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y ait un rabattement facile, à la fois à vélo, à la fois en bus, sur ces gares du Grand Paris, pour que des communes qui ne sont pas directement concernées par une gare du Grand Paris puissent facilement se rabattre. Et aujourd'hui, on a quelques inquiétudes parce qu'il n'y a pas forcément la volonté au niveau de la Société du Grand Paris et au niveau des maires de garder le foncier nécessaire pour avoir des gares routières, des stationnements vélos suffisants, voire des stationnements voitures. Et ces aspects intermodalité, c'est une des faiblesses aujourd'hui du projet. Bonsoir monsieur. Bonsoir. La commune de Clamart accueillera une station de la future ligne 15. Nous retrouvons des habitants sur la place de la gare où le maire de Clamart a décidé de construire un ensemble résidentiel. Marcher un petit peu pour voir où se situe cette place dont on parle, cette place de la gare. Ici, il n'y avait pas d'immeuble autrefois ? Non. Vous regardez par les petits trous là et vous allez voir la place de la gare. On a une survivance de l'ancienne place. On voit encore les pavés d'ailleurs. On voit encore le square qui était au milieu, le souterrain. On voit quelques arbustes à la place des arbres qui ont été coupés. Ben nous en regardons fait, derrière la palissade, en fait, par du des chantier. Trous qui ont été faits, d'ailleurs, je pense, en pirate, parce que ce n'était pas prévu qu'on ait le droit de regarder. Les trous ont été faits à la disqueuse par des gens. Philippe Hansenberger, Clamartois. Vous voyez, ce qui est important de noter, c'est que l'implantation des palissades, là, c'est l'immeuble qui va être construit. 5 étages, 18 mètres en gros, juste en sortant du train en fait. Voilà. Pendant des mois, les membres de ce collectif d'habitants se sont mobilisés contre le projet municipal. Peine perdue, le projet verra bientôt le jour. Derrière cette palissade, donc, il y avait cette place. C'était le domaine public de Clamart. Qu'a fait le maire pour justement permettre la construction de cet immeuble en face de la gare ? Pour construire, en fait, il a décidé qu'il allait mettre des palissades autour de la place de la gare. Nathalie Levray, clamartoise. Une fois que les palissades ont été construites, comme il n'y avait aucun clamartois suffisamment téméraire pour prendre une échelle, marcher sur la place qui était un domaine public et prendre le train comme ça, on a tous contourné. Donc il a fait constater par huissier que la place ne servait plus au public. Comme il n'y avait plus un usage public, ça lui a permis de désaffecter l'espace qui ensuite a été déclassé pour passer dans le domaine privé de la commune. Et donc maintenant, elle va être vendue à un promoteur privé pour bâtir ses immeubles. Donc c'est un cas d'école quand même. C'est un cas d'école. Une fois que c'est du domaine privé de la ville, c'est comme si la ville vendait un immeuble. Donc elle peut vendre n'importe quelle parcelle qu'elle possède dans son domaine privé. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui est écrit là ? En fait, c'est le futur... Le futur quartier du métro de Clamart, c'est ça, hein ? C'est un quartier entier, on le voit là, il est représenté sur des images, c'est bien celui-là ? Oui, le futur immeuble devant lequel on est maintenant fermera la ville de Clamart à la gare. La place de la gare, vous voyez qu'il y avait du dégagement, les autobus pouvaient s'arrêter devant la gare, pouvaient avoir un terminus pour le bus local et puis avoir l'endroit pour s'arrêter, rester. Ici, on n'a plus maintenant que cet espace très restreint. L'autobus passe, ne peut s'arrêter que là-bas. Et il n'y a qu'une seule ligne qui peut s'arrêter parce qu'on ne peut pas faire une accumulation d'autobus, sinon on bloque tout. D'un côté, on construit un métro pour aller avec un train. Mais de l'autre côté, on enlève les autobus qui allaient avec le train et qui auraient pu aller avec le métro aussi. L'intermodalité, apparemment, n'est pas prise en compte du tout. La banlieue va enfin pouvoir aller de banlieue à banlieue. Et pour les habitants de Clamart, par exemple, ça veut dire concrètement pouvoir aller à La Défense directement. Donc enfin, on va être complètement intégré à un réseau bien maillé, bien dense de transports en commun. Et donc ça change beaucoup de choses pour nous. Jean-Didier Berger, maire de Clamart. Il y a des élus qui ont choisi de faire de très grandes tours au-dessus des gares lorsque c'était possible. D'autres qui, comme moi, prévoient une densification tout à fait raisonnée et raisonnable. Et donc ça amène aussi de la confiance dans le projet vis-à-vis de la population. Mais on fait en sorte que ce quartier soit un quartier très vivant, qui ne soit pas replié sur lui-même et qui soit pour tous les habitants, parce que tout le monde peut avoir vocation à un moment donné ou à un autre à prendre ces nouveaux moyens de transport. Mais ce quartier, place de la gare, la place qui existait, qui était du domaine public, pourquoi vous avez fait le choix en fait, de construire sur ce domaine-là ? Bah c'est simple. Quand on a la responsabilité de la puissance publique, on est là pour aménager les choses. On avait une ancienne gare avec une place devant. L'ancienne gare va sauter et va se reconstruire quelques dizaines de mètres plus loin. Donc, on vient réorganiser l'espace public et on aménage pour faire en sorte qu'il n'y ait pas du vide. Et quand on laisse un vide, en général, c'est à ces endroits-là qu'on retrouve les difficultés. Donc, on vient structurer les choses. C'est ça, la transformation et l'aménagement, c'est d'être capable d'avoir de la souplesse et de transformer le public en privé et le privé en public lorsque c'est nécessaire. Ce qui était hier des champs est aujourd'hui la banlieue. Ce qui était hier la banlieue est aujourd'hui la ville. La ville s'étend, la ville augmente ses capacités. Il y a un effet d'attraction et donc de plus en plus de gens viennent vivre en ville. On nous demande de construire, on nous demande de développer et tout le monde a envie de bénéficier de l'attractivité. On a le Brexit qui vient de se faire. Est-ce qu'on fait en sorte d'attirer les gens, les capitaux, les moyens? Est-ce qu'on saisit cette opportunité? Comment vous expliquez cette volonté du maire de construire? Il était directeur de la SEM... Directeur général de la SEM Pro. Société d'économie mixte du Plessis-Robinson. Bon, et là, donc, il a été amené à fréquenter des promoteurs tout le temps. Et donc, ses habitudes sont avec les promoteurs. Il y a eu un fait quand même qui a été assez étonnant, c'est qu'un jour où il y a eu une présentation aux habitants, dans une espèce de grande réunion de présentation aux habitants du projet qu'il y aurait ici... Alors que d'habitude, on présente un projet municipal, là, il y avait déjà les promoteurs qui étaient dans la salle, qui disaient « oui, c'est moi ». C'était un peu choquant. Alors, sur le prix des logements, ici, les logements étaient à 6670 euros le mètre carré. Ce qui est énorme. Et compte tenu, évidemment, des revenus des gens, on imagine bien que ça ne va pas être le prolo de base qui va venir habiter à côté de la gare de Clamart. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un quartier d'usine ou un quartier de cité, donc c'est plutôt un quartier agréable, mais il y a quand même pas mal de gens à petits revenus qui, eux, ne trouveront plus la possibilité de se loger ici, ça c'est clair, c'est absolument évident. Donc l'arrivée du nouveau métro s'accompagne en fait d'une vague spéculative et d'une hausse des prix immobiliers à Clamart en tout cas. Ah oui, ça c'est certain, bon ça je pense que c'est partout, mais c'est certain, oui. Ce qui est vraiment dommage sur cette opération, en réalité, c'est que si on avait réfléchi sur une échelle intercommunale, puisqu'on est entre Vent, Vissy-les-Moulineaux, Malakoff et Clamart, si on avait réfléchi à cette échelle-là et profité des terrains qui sont derrière cette place de la gare palissadée, 2,5 hectares quand même, on aurait pu penser... un projet qui soit au service des habitants des quatre communes, qui y respecte l'intermodalité, qui respecte aussi une certaine mixité sociale et qui permette finalement de répondre à un besoin d'intérêt général et non pas à un besoin d'intérêt, on ne sait quoi d'ailleurs, immobilier. Bon, voilà, c'était ça l'enjeu de cet aménagement et de fait de bloquer cette gare avec tous ces immeubles qui vont être construits, on empêche toute réflexion pour l'avenir sur ce quartier. Au départ, on devait sanctuariser des espaces autour des gares pour en garantir la performance intermodale, multimodale. Gilles Dansard, journaliste. Et petit à petit, cet espace s'est rabougri. Parce que les maires préfèrent avoir des logements et des bureaux plutôt que des espaces pour les bus, qui prennent de la place, etc. Accessoirement, ils oublient que dans les bus, il y a leurs concitoyens. Et que ces bus, ils font partie de la capacité d'attractivité de la gare. Donc, ces arbitrages-là ont été perdus dans beaucoup d'endroits. Et là encore, la puissance publique, que ce soit les maires, que ce soit les collectivités, que ce soit le Grand Paris Express, Grand Paris Aménagement, etc., ont leur responsabilité. Parce qu'on prévoit des choses et après, petit à petit, on perd. On vend du logement, on vend du bureau, etc., mais on oublie qu'il faut aussi plein de choses. l'échelle de la planète, vous avez des villes organisées par le marché, Londres. Vous avez des villes organisées par la mafia ou par les intérêts très oligarchiques, Moscou par exemple, ou Mexico. Et vous avez des villes, mais pas beaucoup, comme Paris, qui sont organisées par la politique. Frédéric Gilly, économiste. Quand on regarde la façon dont les quartiers de gare sortent autour du Grand Paris Express, la question peut se poser de savoir si on est en train ou pas de basculer d'un modèle politique à un modèle marchand. Ville organisée par la politique à un modèle de ville organisée par le marché. Ce qui peut laisser penser ça, c'est que les habitants n'ont pas beaucoup leur mot à dire, qu'on voit un peu partout des mouvements se créer, de défiance. Mediapart s'est récemment fait l'écho de tout ce qui se passe autour du centre-ville d'Aubervilliers, par exemple. On a ça à HL, il y a eu plein d'endroits dans la région parisienne où les habitants sont inquiets. Moi, je me souviens encore là d'une habitante de Vitry-sur-Seine qui dit « Moi, le métro, ça m'effraie, le tramway, ça m'effraie. » Et un voisin à elle enchaîne en disant « Non, mais on a bien compris. De toute manière, ils sont en train de refaire la ville belle. Mais si c'était pour nous qu'ils le faisaient, ils l'auraient fait avant. Ils font la ville belle parce qu'il faut accueillir les Parisiens. Les Parisiens, ils viendront pas dans une ville moche. Donc on nettoie la ville pour que les Parisiens viennent. » La plus grande pente s'impose dans l'esprit des gens. Et ils voient ce qui se passe autour des quartiers de gare, et ils voient les quartiers où les nouveaux promoteurs arrivent, et ils se disent que ce qui est en train de se passer va les évincer. C'est un jeune d'Ivry-sur-Seine qui dit « On a compris, hein, de toute manière, Paris a été racheté par les Qataris, donc les Parisiens, ils n'ont plus le moyen de rester à Paris, ils viennent en banlieue, et nous, on va aller après Villeneuve-Saint-Georges, dans le 77 ou dans le 60. » Ce modèle-là de la ségrégation, de la relégation, de la gentrification, il est installé dans les têtes. Il est installé dans les têtes et il commence à s'installer dans les faits par endroits. Et donc les gens mesurent que ce qu'ils ont comme menace identifiée dans leur tête commence à se matérialiser. Il y a beaucoup d'incohérences. Là, par exemple, ça m'horripile, c'est vrai. Ce train de Roissy, un direct Roissy. Personne ne va direct à Roissy. Le train part à vide. Il est vide, ce train. Et là, vous êtes comme ça dans le suivant qui va s'arrêter à toutes les gares. C'est pareil, on avait des trains qui étaient directs, par exemple, le matin. On avait un train d'Aulnay jusqu'à Paris, il était direct. Et puis, il y avait un train qui était omnibus. Maintenant, ils sont tous omnibus. Le trafic est interrompu sur la ligne du RER entre Aulnay-sous-Bois et Aéroport Charles-de-Gaulle. Les plus grandes entreprises du secteur de la construction se partagent le chantier du Grand Paris Express. Mais la question des coûts commence à inquiéter. En 2013, le coût du nouveau métro est estimé à 22 milliards d'euros. Mais en 2017, la Société du Grand Paris le réévalue à 38 milliards d'euros, alors que les travaux n'ont débuté que sur deux tronçons de ligne. Il est bientôt 7h14 sur France Culture. Le chantier du Grand Paris Express, sévèrement pointé du doigt par la Cour des comptes. Dans un rapport à paraître aujourd'hui, elle pointe une dérive des coûts et les risques pour les finances publiques. Est-ce que ces accusations sont de nature, Jean-Marc, à remettre en cause ce projet qui a mis des années avant de voir le jour ? Certainement pas, c'est un projet qui a mis des années pour démarrer, un projet qui remonte au début des années 90, mais c'était alors qu'une idée. C'est très compliqué d'estimer le coût réel d'une infrastructure, parce que les techniciens, les entreprises qui sont chargées de construire ces infrastructures en sous-sol disent « mais au moment où on fait l'évaluation, on ne sait pas Gilles Dansard. Ce qu'on va trouver ». Est-ce qu'on va trouver des argiles vertes ? Est-ce qu'on va trouver du gypse ? Est-ce qu'on va trouver des nappes phréatiques compliquées, etc. Donc l'argument des constructeurs et de la Société du Grand Paris, c'est de dire les estimations ne sont que des estimations. Le vrai coût, on le connaît à la fin. Cette façon de faire fait hurler tous les responsables des investissements publics, parce qu'ils disent, nous savons très bien au moment où on fait des estimations qu'il faut rajouter un coefficient d'incertitude. Et donc, la réalité, c'est que le coût prévisionnel a été largement sous-estimé. Pourquoi il a été sous-estimé ? on a tellement accepté de compromis, notamment avec les élus, parce qu'il fallait plonger en sous-sol pour ne pas avoir à détruire tel immeuble ou importuner tel riverain ou telle entreprise ou installer telle gare dans un contexte géologique compliqué, que finalement ça induit un surcoût monumental. Et donc on a, d'une certaine façon, sous-estimé le coût réel de l'infrastructure, qui était au départ plus ou moins à 22 milliards et qui aujourd'hui, de la vie générale, est à 35 milliards. Donc on peut estimer que maintenant qu'on a les tracés et qu'on commence à envoyer les tunneliers, etc., là, on peut avoir des vrais surcoûts, des surcoûts qu'on sait logiques. Donc on ne va pas se retrouver à 35 milliards, on va sans doute se retrouver à 40-45 milliards. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui qu'un chantier est fait dans les délais et dans les coûts estimés ? C'est en grande partie la qualité du maître d'ouvrage qui aura bien fait ses études préalables et qui tiendra la passation des marchés dans une très grande rigueur. Aujourd'hui, on peut considérer que par rapport aux défis que représente le réseau du Grand Paris Express, la société du Grand Paris est en sous-effectif et donc est obligée de sous-traiter à des maîtrises d'ouvrage déléguées un certain nombre de tâches qu'elle devrait tenir elle-même. Du coup, on peut expliquer un certain nombre de dérives d'évaluation des coûts ou de passation des marchés sur ce sous-effectif de la société du Grand Paris, très insuffisamment outillé pour répondre à ce grand défi. Le coût du plus grand chantier de génie civil d'Europe pose désormais problème au pouvoir public. Le gouvernement, tenu de respecter la rigueur budgétaire imposée par l'Union européenne, retarde ses arbitrages. Faut-il renoncer à certaines lignes, quitte à remettre en cause l'efficacité du Grand Paris Express, ou faut-il revoir le calendrier pour réaliser le réseau avec le risque de ne pas faire aboutir les quatre nouvelles lignes ? Lors d'un déplacement à Clichy-sous-Bois, une commune de banlieue particulièrement enclavée, le président Macron rassure la population. La ligne 16 sera maintenue. Vous avez un maire formidable qui est engagé. On va investir, on va soutenir. Et on ferme les délais pour la gare. Exactement, il y a énormément de projets, monsieur Macron. Il faut tendre le coup aux idées reçues. On a besoin de vous. L'incertitude plane cependant sur le sort du futur métro, perçu comme le levier de développement de la métropole du Grand Paris. Rue du Bac, près de l'hôtel Matignon, plus d'une centaine d'élus manifestent. Ils se mobilisent pour que le Grand Paris Express ne soit pas sacrifié sur l'autel des économies budgétaires. Des écharpes. Oui, le président Renault est là-bas devant. Ah d'accord, avec très bien. Le président Bazin, tout ça. Vous êtes qui, monsieur, excusez-moi. Moi, je suis le maire de Marly-la-Ville, dans le Val-d'Oise. On essaie de se défendre pour que la ligne se fasse. Cette ligne 17, elle est importante pour vous ? Elle est très importante, hein, puisque c'est ce qui permettrait de desservir et de ramener un peu la population qui est en souffrance, je dirais, pour aller vers le travail pour Roissy, hein, et d'apporter tout ça, mais aussi, en sens inverse, de pouvoir desservir Roissy et éviter tous les embouteillages qu'on a actuellement. Hein, on voit bien ce matin, on a mis 3 heures pour arriver ici. Hein, on est à peine 20 km de Paris, on ne met pas 3 heures pour faire Roissy en France, à Paris. Aujourd'hui, on est là pour ça, mais on devrait être aussi là pour l'amélioration du RERD, où les gens, où les personnes sont en souffrance depuis un certain nombre d'années. On manifeste, on va demander un rendez-vous à l'hôtel Matignon pour essayer d'être reçu. Voilà. Et comme on est reçu par personne, notamment pas par le Premier ministre, le Président de la République, on a des craintes. C'est pas un hasard si dans la presse on lit que la ligne 17 est menacée. Ça sort pas par hasard. En ce moment, vous savez, on parle beaucoup de choses. On parle de la ligne 17, on parle de la refonte du Grand Paris. Alors, on peut se poser un certain nombre de questions. Et c'est pareil pour la ligne 17. On sent qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, si c'est vrai, sans ça, le Premier ministre nous aurait reçus. Mais il ne nous reçoit pas, c'est qu'il y a bien quelque chose. C'est lié aux dérives des coûts du métro du Grand Paris Express, mais selon vous ? C'est des bruits qui courent que la dérive. Mais la dérive, elle n'est pas sur la ligne 17. La ligne 17, c'est la moins coûteuse. Et comme je vous dis, c'est celle qu'on a négociée. Allez, disons-le, un peu au rabais, parce qu'on a été obligé à l'époque de négocier. Donc cette ligne, où il y avait, sur toutes les autres lignes, rappelez-vous, il y a 108 mètres de quai, nous, on n'aura que 54 mètres. Et je vous rappelle que c'est là où les gens dévalisent. Quand ils viennent d'un aéroport, en général, on ne voyage pas qu'avec un sous-main. Il y a des investissements qui sont internationaux, qui se font sur nos 3 départements, qui ne se feront pas ailleurs qu'à Roissy. Mais si vous leur dites demain, il n'y a plus le métro automatique, ils vont aller à Heathrow, à Francfort, à Milan. Là, vous attendez quoi aujourd'hui ? On attendait que le Premier ministre nous reçoive. Je crois que ça ne se fera pas, puisque vous voyez, on est bloqué. Donc ça veut dire qu'on est parqué rue du Bac. Bon, alors espérons que cette manifestation fera que le Premier ministre décidera de nous recevoir. Sans ça, je peux vous dire que s'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, on va être motivé dans le futur, je peux vous le dire. Ah, génial. Pourquoi vous êtes venue aujourd'hui ici ? Je suis élue de Sevran-Villepinte-Tremblay. Clémentine Autain, députée. Où le tracé de la ligne 17, une partie du tracé de la ligne 17 et surtout de la ligne 16, va impacter nos villes. Et moi, je suis favorable en tout cas à cette partie de la ligne. Je constate qu'encore une fois, il y a un investissement public prévu dans des territoires populaires comme les nôtres qui concerne du transport public et le gouvernement recule pour répondre à la règle d'or dictée par l'Union européenne. C'est ça l'histoire et donc si on est là, c'est parce qu'on veut exprimer une colère qui est la colère de nos habitants, des habitants, et une colère légitime contre l'enclavement et contre le désinvestissement permanent, quotidien, en termes de services publics et de transport. Bon, il y a des villes qui sont particulièrement enclavées, je pense à Clichy-sous-Bois, je veux dire, cette ligne pour Clichy-sous-Bois ou pour Montfermeil, c'est vital. Encore à Sevran, on a deux gares, alors avec un RER qui fonctionne mal, on aimerait bien que le gouvernement aussi nous aide sur ce RERB totalement délaissé, où on a besoin d'investissement pour éviter une galère au quotidien que vous n'imaginez pas la galère que c'est que ce RERB. Donc les gens sont très en colère, on les accuse sans arrêt de prendre leur voiture, et c'est mal de prendre leur voiture, ça pollue, on est tout à fait d'accord, et d'un autre côté, on n'investit pas pour des transports publics qui leur permettent de circuler correctement. Il faut qu'on avance là-dessus, on arrive à penser à l'échelle métropolitaine, on peut rééquilibrer les territoires, ce qui permettra de répondre aux défis écologiques, parce que si vous dormez d'un côté et que vous travaillez de l'autre, vous voyez bien qu'il y a un problème écologique notable. Et par ailleurs, peut-être dans cette coopération entre les territoires, d'arriver à penser autrement la métropole. Le trafic est interrompu entre Aulnay-sous-Bois et Aéroport Charles de Gaulle 2. Ok, je suis en courant. Votre attention, s'il vous plaît. D'une certaine façon, c'est le Grand Paris Express qui fait office d'élément structurant de la métropole. Alors que ça devrait être partagé entre une vision urbanistique et nécessairement des infrastructures de transport. Donc on est bien au cœur d'une gouvernance totalement morcelée de la métropole, morcelée entre l'État, entre la région, entre des communes, entre des communautés de communes, entre des départements. Et quelque part, il n'y a pas de vision globale telle qu'elle a pu exister. On peut reprocher beaucoup de choses au RER à l'époque, mais quelque part, il y avait une vision de l'Île-de-France. Alors après, ça a donné des villes nouvelles qui ont été contestées et ça a donné un abus de radial, mais la vision existait. Aujourd'hui, cette vision préalable de la métropole, je ne suis pas sûr qu'elle existe. Encore une fois, il y a un certain nombre de mouvements économiques, urbanistiques, financiers qui prédominent. Et la Défense reste le meilleur exemple. Elle continue de se développer alors que tous les documents, tous les élus, hormis ceux des Hauts-de-Seine, considèrent qu'il faut avoir une meilleure répartition des lieux de bureaux et d'activités économiques. Donc il y a un manque de planification, de vision et de gouvernance de la région Île-de-France. Oui, bonjour Eco 15, je reviens vers toi. Ah, Massy, hein, s'il te plaît, on va faire un petit effet. C'était le Grand Paris Express, un nouveau métro pour Paris. Merci à Denis Mazur, Marc Pélissier, Gilles Dansard, Philippe Yvin, Daniel Béard, Frédéric Gilly, Toufik Swami, Nathalie Levray, Jean-Didier Berger. Merci aussi aux élus et aux voyageurs du RERB. Nous sommes juste à côté, pourquoi pas nous parler, je ne vais pas vous manger, il n'y a aucun danger, un moment partagé, quelques mots échangés, un sourire bien poli, un bonjour, un merci. Dans les transports en commun, c'est chacun dans son coin, faut surtout pas se mélanger, malgré la proximité. Prise de son, Fabien Gosset, Gilles Gallinaro, Clémence Bonfils. Mixage, Bernard Lagnel. Documentaire de Nicolas Jox, réalisé par Manouchak Fachet. Un couloir de métro où l'on s'est arrêté, elle s'est mise à chanter, il l'a accompagnée pendant quelques instants, le temps s'est arrêté, c'est en prenant ce temps que l'on peut partager. Dans les transports en commun, c'est chacun dans son coin, faut surtout pas se mélanger, malgré la proximité. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez tout comprendre au plan des lignes, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour le tunnel ou nous réécouter dans le métro, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et demain, dernier épisode, quel avenir pour les quartiers populaires ?